Excusez-nous d'abord pour ce retard de 2 minutes et bienvenue à l'édition de ce samedi. Voici d'abord les titres. Adoption du projet de loi portant organique des confessions religieuses. Le soir de ce vendredi par l'Assemblée nationale, il a été précisé que sur le niveau d'études de baccalauréat est exigé par pour le représentant de l'Église et son suppléant. Vous l'entendrez tout au début de cette édition. Le gouvernement devrait autoriser les commerçants à importer le sucre. Suggestion de Gabriel Roussili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Il propose cela suite à une production insuffisante de sucre de la Sosumo. Et le président de la République promet que l'eau potable et l'électricité seront bientôt disponibles à Mutambala, c'est en commune et province Rumonge. Isanganiro. Exiger le niveau d'études au moins baccalauréat pour les religieux et la traçabilité des fonds destinés aux églises sont quelques-unes des préoccupations des députés. C'était ce vendredi lors de l'analyse du projet de loi portant cadre organique des confessions religieuses. Le ministre Gervais Ndirakobucha, ayant la gestion des églises dans ses attributions et qui était l'invité devant les élus du peuple, a tenu à préciser que seul le niveau d'études est exigé pour le représentant de l'église et son suppléant. Le point avec Moïse Misago. Les questions liées à l'implantation des églises suivant la distanciation exigée de 500 mètres à milieu urbain et 1 km à milieu rural et l'exigence d'un certain niveau d'études élevées jusqu'au baccalauréat sont certaines des préoccupations qui ont attiré l'attention des élus du peuple. Selon ce dernier, l'affaire religieuse est une vocation. Par conséquent, le niveau d'études n'est pas nécessaire, estime-t-il. Dans les affaires religieuses, il y a de la vocation. Cette exigence du niveau d'études peut être enlevée dans ce projet de loi, car le diplôme souvent met en avant la compétence, et surtout que les gens qui ont marqué l'histoire de l'Église n'avaient pas de niveau d'études. Il y a des églises qui cohabitent depuis une cinquantaine d'années, comme à Rohero ou à Kamengi. Ailleurs, l'on trouve 4 ou 5 paroisses, dont des paroisses catholiques, rapprochées depuis longtemps. L'on se demande alors ce qui motive réellement un tel projet, du moment qu'il ne vient résoudre aucun problème. Ce député veut savoir le but poursuivi par l'État pour exiger la traçabilité des fonds en provenance de l'étranger destinés à financer les confessions religieuses. Quel lobby du gouvernement lorsqu'il se préoccupe de savoir l'origine des financements des églises en provenance de l'étranger? Y a-t-il besoin d'avoir une part? À toutes ces préoccupations des députés, le ministre de l'Intérieur précise que le niveau d'études est exigé uniquement pour le représentant légal de l'église et son adjoint. Quant à la distanciation, cela figure déjà dans la loi qui régit les confessions religieuses et c'est une demande émanant des religieux. Le ministre Gervais Ndirakobucha ajoute que l'État doit suivre de près le financement des églises. Si on analyse le financement destiné aux homosexuels, si on ne tire pas attention, demain on découvrira que ces fonds ont transité par ces églises. C'est pourquoi on doit bien suivre la traçabilité de ces financements. On ne veut pas percevoir un dixième. Ce n'est pas ça notre but. Mais par contre, l'on veut la sécurité de la société, la protection des bonnes mœurs des Burundais. Après amendement, ce projet de loi a été adopté à 100% par 109 députés. Une fois promulgué, les responsables des confessions religieuses ont 24 mois pour se conformer à cette loi. La séance de ce vendredi a pris fin vers 21h30. Merci Moïse Misago. L'eau potable, électricité longtemps réclamée par les habitants de la colline Mutambala en commune et province Rumonge seront bientôt disponibles. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, l'a déclaré ce vendredi en visite à Rumonge. Ce vendredi pour l'eau potable, le président donne un délai de 3 mois et promet de suivre lui-même la mise en application de l'électrification de cette colline. Jean-Pierre Misago. Isabo twasavye nyakubahwa cy'amatara n'amazi. Malgré plusieurs promesses de différentes autorités provinciales, l'existence à Mutambara d'un poste de distribution d'électricité et même la pose d'un réseau hydraulique à partir de la ville de Rumonge vers cette colline de Mutambara, le besoin en électricité et en eau potable se fait toujours sentir au sein de la population de cette colline, selon Sylvain Kashindi, chef collinaire. Lors de cette descente à Rumonge ce vendredi, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, promet que dans un délai n'excédant pas 3 mois, cette colline sera alimentée en eau potable et rassure du coup qu'il va lui-même se charger du suivi du projet d'électrification de cette colline. Pour le président Evariste Ndayishimiye, l'alimentation en eau potable de tous les coins du Burundi figure parmi les priorités du gouvernement burundais et le débit de l'eau à Rumonge est amplement suffisant selon le président de la République du Burundi. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h04, poursuivons par la page commerce. 105 milliards de francs burundais est la somme que la Sosumu a besoin pour sa réhabilitation et son extension pour une production suffisante de sucre. Propos de l'administrateur directeur général de la Sosumu. Il précise toutefois que certains travaux sont en train d'être réalisés, comme étendre les champs de la canne à sucre. Gabriel Ufili, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'OLCOM, dit qu'à part ces efforts de la Sosumu, le gouvernement devrait autoriser les commerçants à importer le sucre à Polonie d'Oussabe. L'insuffisance des fonds fait défaut pour la réhabilitation et extension de la Sosumu. Aloïs Ndekengurukiye, l'administrateur directeur général de cette industrie, indique qu'on a besoin de 105 milliards francs burundais, mais que cette société est en train de réaliser quelques travaux qui ont déjà coûté 16 milliards de fonds propres. À propos de ces travaux, Jean-Claude Ntouari, directeur agricole dans cette institution, fait savoir que plus de 600 hectares de plantations de la canne à sucre sont déjà ajoutés aux champs existants. Pour cette année, nous avons enlevé 610 hectares, dont 312 hectares de l'emplacement des vieilles plantations et 288 hectares de nouvelles plantations. Concernant le volet recherche, nous avons déjà introduit 30 nouvelles variétés pour cheminer vers le remplacement des variétés actuellement utilisées qui sont en pleine dégénérescence. Au niveau de la direction technique de la Sosumu, l'information reçue est qu'on est en train de réhabiliter le matériel détérioré de l'industrie. D'autres travaux, à savoir l'extension de l'industrie, la fertilisation et l'irrigation de la canne à sucre, seront réalisés après avoir reçu les fonds nécessaires. La production escomptée après tous ces travaux s'élèvera à 35 tonnes par an au lieu de 20 tonnes, comme l'affirme Jean-Claude Ntouali, le directeur agricole de la Sosumu. Lucille Gabriel, présidente de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLCOM, dit qu'à part ces efforts de la Sosumu, le gouvernement devrait autoriser les commerçants à importer le sucre. Il faut que tous ceux qui veulent investir dans la production du sucre reçoivent des avantages et des facilités pour installer les usines, pour qu'il y ait de la libre concurrence, parce que le monopole est toujours problématique partout. La deuxième chose à faire, il faut que le gouvernement autorise les commerçants à importer le sucre. La troisième chose à faire, il faut que le gouvernement fasse tout pour qu'il y ait disponibilité des devises. Parce qu'il a été prouvé que sans les devises, tous les produits importés ne peuvent plus être disponibles. Sur le site web de la Banque de la République du Burundi, les statistiques montrent qu'après sa première production En 1988, l'association n'a pu satisfaire la demande locale que durant 3 ans. Depuis ces années, le Burundi importe le sucre pour combler le vide et depuis 1988, la sucrerie du Burundi n'a pas exporté du sucre, sauf que le rapport de 2018 de la BRB sur le commerce informel montre que les exportations informelles du sucre représentent 2,4%. Merci Apollonie. Doussab, page sécurité. Et à présent, la sécurité est généralement bonne en province de Chibitoke, du fait qu'elle est bien assurée par la quadrilogie Karim Bizoza, gouverneur de cette province, le rassure au moment où il y a une insécurité en République démocratique du Congo, le pays voisin de cette province de Chibitoke. Il ajoute que la population vit tranquillement et vaque chaque jour à des activités génératrices de revenus. C'est le traduit en français par Moïse Misago. La sécurité est généralement bonne dans notre province de Chibitoke. La population est tranquille et vaque quotidiennement à ses activités. Malgré l'insécurité signalée à l'est de la République démocratique du Congo, nous nous sommes unis et la sécurité est bien maîtrisée à la frontière avec les pays frontaliers de notre province. Nous menons des patrouilles chaque jour et nous nous partageons des informations sécuritaires via la quadrilogie. Avant de mettre fin à cette édition, rendons-nous à Bururi, né de composer de vivre et non vivre dans les cartes d'assistance médicale d'une valeur de plus de 5 millions de francs burundais a été octroyée dans l'après-midi de ce vendredi par la commune Songa de la province Bururi à plus de 50 personnes plus âgées et plus démunies de cette commune. Jean Douimana, conseiller socio-culturel au cabinet du gouverneur de la province Bururi, salue cette initiative de la part des autorités communales de Songa. Il appelle d'autres communes à prévoir un budget pour assister à cette catégorie de personnes. Zeno Zamiman. Chacune de ces 51 personnes plus âgées, ayant l'âge compris entre 60 et 100 ans, a reçu une carte d'assistance médicale, une couverture, un pagne, 5 kg de riz, 5 kg de haricots, 2 kg de sel de cuisine, 1,5 kg d'huile de palme, 12 savons de lessive et une enveloppe de 15 000 francs burundais. C'est une aide en vivre et en non-vivre d'une valeur de 5 100 000 francs burundais que la commune de Songa a octroyée dans l'après-midi de ce vendredi, comme l'a indiqué l'administrateur de la commune de Songa. Damien Gendakulio fait savoir que l'assistance à cette catégorie de personnes était prévue dans le budget. Toutefois, la commune s'est retrouvée finalement dans les capacités d'assister à toutes ces personnes âgées et démunies qui ont été recensées dans la commune de Songa, raison pour laquelle seules 3 par colline ont été assistées. Damien Gendakulio demande à la population de la commune de Songa et aux autres bienfaiteurs de songer toujours à cette catégorie de personnes vulnérables. Certains des bénéficiaires de cette aide nous ont fait savoir qu'ils peuvent même passer des jours et des jours sans trouver de quoi mettre sous la dent et ont vivement salué cette aide octroyée par la commune de Songa. Jean Douimana, conseiller socioculturel du gouverneur de la province de Bururi, qui procédait à la distribution de cette aide, a également salué l'initiative des autorités communales de Songa et appelle d'autres communes à prévoir dans leur budget une assistance aux personnes plus âgées et plus démunies. Depuis Bururi, Zeno Nzamimana pour la radio Isanganiro. Et c'est par ce reportage de Zeno Nzamimana que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Ornella Moucho. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Redécoupage administratif, de grands défis à surmonter, titre le journal Iwachu en une de sa parution de ce 24 juin. En page intérieure, son confrère donne les réactions des politiques qui s'interrogent sur le bien fondé du nouveau découpage administratif. Pour Francis Rojero, candidat indépendant à la présidentielle de 2020, cette réforme devrait être opérée avec beaucoup de précautions. Agathon Rwasa, le leader du parti CNL, estime que le problème est comment s'y prendre. De son côté, Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, il affirme qu'ils ont des inquiétudes. Quant à Léonce Ngendakoumana, vice-président du parti Sawanya Frodebou, il trouve que si cela reste au niveau de la propagande, c'est une courte vision. Dans une interview exclusive accordée à son confrère, le professeur Simeon Barumwete, spécialiste des politiques publiques, estime qu'il faut un transfert de ressources suffisantes aux communes pour réussir cette réforme. En matière de décentralisation, il faut éviter la théorie de la décharge, lance-t-il dans les colonnes de cet hebdomadaire, expliquant que c'est en quelque sorte une fuite de responsabilité de la part de l'État. Vers la reprise des travaux d'exploitation de l'or, rapporte Burundi Echo. Ce journal exploite le contenu de l'ordonnance ministérielle numéro 760-924-2022 portant exploitation, traitement et commercialisation de l'or, signé mercredi 22 juin 2022 et qui entre en vigueur le jour de sa signature. C'est le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, OBM, qui est chargé de sa mise en application. Cependant, note cet hebdomadaire socio-économique, les coopératives doivent introduire une demande d'autorisation d'exploitation de traitement de l'or auprès du ministère en charge des mines, payer les droits fixes et redevances spécifiques annuelles exigées par le régime fiscal, signer un contrat de travail et de partage de la production issue de l'exploitation artisanale de l'or avec le ministère en charge des mines. Revue de la presse. Le financement de l'éducation au Burundi pose un problème, constate la voix de l'enseignant. Lors des états généraux de l'éducation tenus du 14 au 16 juin 2022, un thème était consacré à la recherche des moyens pour financer l'éducation. Comme le signale ce journal, une des recommandations penche sur le financement de l'éducation par la taxation des produits de luxe et des salariés de la fonction publique. Ce que nient les représentants syndicaux qui trouvent que les salaires des fonctionnaires sont très modiques et pourraient être touchés. Ils soutiennent plutôt la taxation des produits de luxe comme la bière, le tabac, les produits pétroliers, les tickets d'avion, les véhicules de luxe importés, etc. Le thème a été développé par le professeur Léonidas Ndaizeye de l'Université du Burundi et Steve Niongabo, directeur général des finances et du patrimoine au ministère en charge de l'éducation nationale, qui donne comme preuve les réussites spectaculaires des dragons asiatiques obtenus grâce aux politiques en matière d'éducation et de formation qui ont joué un rôle particulier dans l'explication de la croissance économique observée dans ces pays, précise encore son confrère. L'étude des deux experts propose qu'il faut mettre en place un organisme, genre fonds commun de l'éducation, chargé de centraliser tous les fonds reçus de ses partenaires. Un organe de gestion et d'affectation efficace et efficient de ces fonds devrait être également mis en place, lit-on toujours dans cet hebdomadaire de l'éducation. Les hommes sont plus exposés aux violences verbales, écrit l'agence burundaise de presse. Les conflits conjugaux sont souvent à l'origine des divorces et ce sont les enfants qui en sont victimes. Ce sont les propos du professeur Pascal Moulévrier, professeur de sociologie à l'Université de Nantes, au cours d'une conférence sur les conflits conjugaux animée vendredi à l'Université du Burundi au campus Mutanga. La BP rapporte qu'elle a montré que les femmes à l'âge adulte sont statistiquement plus exposées aux conflits conjugaux et à la violence que les hommes au sein des couples. Elle a révélé par contre que les enquêtes montrent que les hommes sont quant à eux exposés aux violences verbales où ils font souvent objet d'insultes par leurs femmes. Selon toujours ce quotidien, elle a fait remarquer qu'il y a des peurs qui s'instaurent dans le couple en conflit, qui produisent à la fin de compte des effets indésirables sur le sommeil des femmes surtout, et ces dernières vont développer un sentiment général d'insécurité. Fin de cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana et Francine Ndiokoubgayo. À la prochaine. Revue de la presse.